À quoi bon faire le bien ou le mal quand t'es esclave des tirs des autres? Ton cœur saigne et il a mal. Y'a toujours un trait chez les apôtres. La vérité prendra toujours, toujours l'escalier. Toujours l'escalier. Ton cri d'amour sera plus doux que sur le palier. Alors essuie-t'elle-là. Essuie-t'elle-là. Sors les seins. Par douleur quand la haine te touche, la tête en l'air alors que tout devient louche. Tout sauf toi, alors tu dis sauf toi. Loin le mensonge prend l'ascenseur commun. Tout le monde avec tout le monde parle. Tout le monde te jugera et tout le monde ça la fout mal. En tout cas, en guise de malédiction ou de prédiction, des martyrs, des tirs de la dounia. Si tu donnes ton amour ou de ton temps, attends-toi à être haï. Il faut un petit tour et puis s'en vont les mauvaises langues. La vérité prendra toujours, toujours l'escalier. Toujours l'escalier. Ton cri d'amour sera plus doux que sur le palier. Alors essuie-t-elle-là. Essuie-t-elle-là. Sors les seins. Debout, debout, on y va. Sors les seins. Debout, debout, on y va. Puis-je te dire ce qui me fait mal sans que tu me déçoives? J'ai un moment de faiblesse, des lueurs d'espoir. Poser ma tête sur ton épaule, là est la question qui fera écho. Puis-je te dire combien j'ai mal? Comme Joker, j'ai gardé le sourire. Comment c'est rare, ce qui me touche, touche mon public humanisé. Le mal par le mal, on va s'organiser. Si je te donne de ma confiance, c'est que pour moi t'es quelqu'un. Prends ma main et viens, on fonce. Et ne quitte pas le chemin. La vérité prendra toujours, toujours l'escalier. Toujours l'escalier. Ton cri d'amour sera plus doux que sur le palier. Alors essuie-t-elle-là. Essuie-t-elle-là. Sors les seins. Debout, debout, on y va. Sors les seins. Debout, debout, on y va. Mon vaisseau, les gens sans les connaissances.